Sauvage. Sauvage en lutte, c'est la lutte finale. Beaucoup nous et demain, les traces, les guides et les pédales, sauvage en lutte, c'est la lutte, c'est finale. Beaucoup nous et demain, les traces, les guides et les pédales, sauvage en lutte. Oh yeah. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue sur Comme un ouragan, l'émission féministe. On est le 24 novembre 2020. Il est très exactement 21h13. Vous êtes bien sur Radio Dio 89.5 et en streaming sur Internet. Mon cœur se serre avec elles toutes qui ne disent rien. Celles qui ne disent rien, parce que ça ne se fait pas. Parce que la police n'a rien fait la dernière fois. Parce qu'on ne les a pas crues lorsqu'elles étaient enfants. Parce que ce n'est pas si grave et qu'il avait peut-être le droit. Celles qui ne disent rien, car elles savent qu'on ne les croyait pas. Car elles sont trop tox, trop vieilles, pas assez jolies, pas assez sexy, trop grosses, trop handicapées, pas assez féminines. Celles qui ne disent rien, car elles ont peur qu'on ne les croie pas, parce qu'elles n'écrivent pas assez bien, parce qu'elles ne sont pas blanches, parce qu'elles ne se souviennent pas plus très bien. Celles qui ne disent rien, parce que c'est leur père, parce qu'il est policier, parce qu'il est riche et qu'il prendra un avocat, parce qu'il est français et qu'elles ne le sont pas. Celles qui ne disent rien, parce qu'elles ont peur qu'on leur réponde qu'il n'y a pas l'idée de sortir la nuit, de sortir dans cette tenue, de sortir toute seule. Qu'il n'y a pas l'idée de boire, d'inviter un homme chez soi, d'aller sur un site de rencontre. Celles qui ne disent rien, parce que pourquoi le dire maintenant? Celles qui ne disent rien, car elles se demandent si ce n'est pas un peu leur faute. Celles qui ne disent rien, parce qu'elles aiment. Mon cœur se serre avec elles toutes qui ne disent rien. Mon cœur bat à l'unisson avec elles toutes qui luttent. Celles qui manifestent, s'enchaînent, tractent, hurlent, se réunissent, pétitionnent. Contre les viols, les violences domestiques, les mutilations génitales, les harcèlements de rue, les assassinats, les viols conjugaux, les viols punitifs, les homicides conjugaux. Elles toutes, donc, ont fait si peu d'écart parce que ce sont des femmes noires, des prostituées, des femmes trans, des lesbiennes, des femmes autochtones. Parce qu'elles sont ouvrières ou parce qu'elles portent le voile, parce que ce sont des femmes. Mon cœur bat à l'unisson avec elles toutes qui luttent. Mon cœur est en prison avec elles toutes, celles pour qui c'était écrit depuis la rue, depuis la cam, depuis le trottoir, depuis le fugue. Celles pour qui c'était écrit parce qu'elles ne sont pas nées avec les bons papiers, le bon prénom, la bonne couleur de peau. Celles pour qui c'était un accident, mais qui n'ont pas eu le choix. Celles pour qui ce n'était pas écrit si elle avait choisi un autre homme. Celles pour qui ce n'était pas écrit s'il était resté. Mon cœur est dans les centrales et des centres de rétention, dans les cellules de mitard et dans les cellules des gardes à vue. Mon cœur est en prison avec elles toutes. Mon cœur est devant les prisons et dans les parloirs avec elles toutes. Celles qui attendent, celles qui sont fatiguées, celles qui sourient encore, celles qui sourient toujours, celles qui écrivent tous les jours, celles qui ont des frissons en pensant à leur première parloir, celles qui râlent mais sont encore là, celles qui apportent le linge et envoient les mandats, celles qui ne reviendront peut-être plus, celles qui y croient encore et celles qui ne veulent plus attendre. Mon cœur est devant les prisons et dans les parloirs avec elles toutes. Mon cœur les comprend elles toutes, celles qui ne croient plus en la justice de leur pays, celles qui n'iront jamais voir la police parce que le Veldif, celles qui voudraient seulement que ça n'arrive pas à d'autres, celles qui préfèrent oublier, celles que la justice a laissées déçues, brisées, en colère ou malheureuses, celles qui ont pardonné, celles qui ont préféré écrire un livre, celles qui voudraient juste comprendre, celles qui diront toujours « la prison pour personne ». Mon cœur les comprend elles toutes. Voilà, ça c'était une petite intro de livre « Pour elles toutes » de Gwenola Ricordo. Et on enchaîne et on parle un peu plus tard, un peu de ce livre aussi. Bienvenue comme un ouragan. Aujourd'hui, on a décidé de faire une émission d'actualité. Et pour nous, l'actualité, elle est coincée entre le 20 et le 25 novembre. Ça veut dire qu'on a eu envie de faire une émission aujourd'hui pour la journée internationale contre les violences sexistes et patriarcales. Et en changeant le nom, en disant pas juste « violence faite aux femmes », on essaye de faire le lien entre le TIDOR qui a eu lieu samedi, le 20 novembre, et demain, le 25 novembre. Parce que pour nous, les violences sexistes et patriarcales, elles se comprennent ensemble. Et on voulait vous lire un texte de Camarades de Toulouse qui raconte un peu pourquoi elles comprennent les choses ensemble. Le 20 novembre, c'est le TIDOR, ou Journée du souvenir transgenre en français. C'est la tradition de, partout dans le monde, allumer des bougies et lire la liste des victimes de transphobie de l'année. Les célébrations du TIDOR restent dans des cercles fermés, intimes. Le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles. Partout dans le monde, des femmes manifestent pour dénoncer les violences du patriarcat, qui aujourd'hui encore sont menées en totale impunité, comme l'exemplifie la promotion au rang de ministre de notre charmant Gégé, violeur national et keuf en chef de France. Cette année, le collectif transgenre toulousain organise le TIDOR en collaboration avec Toutes en grève 31. Il s'agit là de la plus grande commémoration du TIDOR jamais organisée sur le territoire français. Nous reprendrons le contrôle de la rue le 25 novembre. Nous imposerons notre présence, notre voix. Nous transformerons le monument aux morts pour en faire le plus grand mémorial transgenre et féministe jamais construit dans l'histoire française. Nous y installerons une bougie pour chacun des 350 noms des personnes transgenres assassinées cette année et chacun des 84 noms des femmes victimes de féminicides en France cette année. Nous lirons la liste des 350 victimes de transphobie et 84 victimes de féminicides. La France veut nous réduire au silence, on va lui crier, lui hurler, ce qu'elle ne veut pas entendre. Nous déposerons des fleurs, non pas à un soldat inconnu, mais à cette femme ou personne trans inconnue qui chaque jour crève sous les coups assassins d'un État patriarcal et transphobe. Du coup, aujourd'hui, dans Comme un ouragan, on a décidé de parler du 25 novembre comme la journée de lutte contre les violences sexistes et patriarcales. Il nous paraît vraiment important de visibiliser que la question des violences contre les femmes, contre les trans, contre les gouines, c'est pas des trucs privés, ça prend vraiment une dimension collective. Et la plupart du temps, quand on arrive à se mettre ensemble et à se raconter nos histoires, et ben ça fait vraiment du sens de s'organiser et de lutter contre. Et c'est pas seulement des histoires qui nous ramènent que à nous-mêmes. Et pour nous aussi, dans cette émission, ce qu'on voulait souligner puis essayer de faire ensemble pour ce soir, c'est avoir des rituels, parler de la violence, parler des morts, parler de ce qui nous fait du mal. Et le faire de manière collective, parce que ça nous traverse personnellement, mais la tristesse que ça crée, elle est aussi collective, et elle nous donne de la force pour exister un peu plus chaque jour. Bah voilà, moi je trouve que c'est bien résumé et puis ça donne envie de d'oublier personne, de pas oublier les morts, de pas oublier nos mortes et puis de aussi se saluer avec toutes les camarades là pour se dire joyeux 25 novembre pour demain. Et on va écouter un petit morceau de musique. On va écouter The Revengers. Autodéfense. Alors, dans un monde ultra-républicain où la majorité l'emporte, où la grammaire veut que le masculin l'emporte sur le féminin, nous sommes du côté des perdants et des perdantes. Même si nous ne sommes pas une minorité en nombre, le système social de discrimination nous place du côté des perdants et des perdantes, de la minorité en pouvoir. Femmes, lesbiennes, gays, trans, queer et autres, nous faisons partie des minorisés du sexisme. Cette journée contre les violences faites aux femmes nous concerne toutes et tous. Oui, toutes et tous, minorisées du sexisme. Parce que l'idée qui sous-tend autant le sexisme que l'homophobie ou la transphobie, c'est l'idée que le masculin est supérieur au féminin, que mâle et femelle sont une paire indissociable. Toute transgression de ces idées serait inadmissible, contraire à l'ordre naturel des choses, et justifierait toutes sortes de discriminations et de violences. Éliminer la violence à l'égard des femmes ne se fera pas sans éliminer l'idée de la supériorité du masculin sur le féminin. Une fois cette idée éliminée, il sera bien plus facile d'éliminer la violence envers la totalité des minorisés du sexisme. Ce n'est pas une question de priorité de lutte, mais une question de faire front ensemble face à un problème commun. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et après, j'avais envie, moi, de vous raconter un peu l'histoire du 25 novembre. Oh oui, l'histoire. Alors, la date, du coup, du 25 novembre, elle fait référence au 25 novembre 1960, qui est, du coup, le jour de l'assassinat des sœurs Mirabal en République dominicaine. Du coup, c'est trois sœurs qui s'appelaient Patria, Maria Teresa et Minerva Mirabal. Et elles ont toutes les trois été impliquées dans le mouvement révolutionnaire dominicain, dont le but était de renverser leur dictateur de l'époque qui s'appelait Trujillo. Ce qui a... alors, il y en a, en tout cas, au moins Minerva était déjà impliquée un petit peu dans les luttes avant, mais ce qui a vraiment déclenché un engagement politique d'un peu toute la famille, ça a été la difficulté à refuser les propositions de Trujillo envers Minerva. Il l'a rencontré à un bal et après il avait très envie de la voir plus souvent. Et ça a été très difficile de dire non. Et à un moment, toute la famille a fui une des réceptions qui était organisée à laquelle ils n'avaient pas trop le droit ils n'avaient pas le droit de refuser d'y aller, alors ils y sont allés quand même, mais quand ils se sont dit « oulala, ça craint vraiment, ça fait 5 fois qu'il insiste, on va partir vite », et ça, il l'a pas très bien pris. Et on ne dit pas non à un dictateur, et toute la famille l'a payé assez cher. Notamment, son père a été arrêté à la suite de ça, et au suite des tortures qu'il a subies à ce moment-là, il est mort. Il est mort, voilà. Alors c'est surtout Minerva Mirabal du coup qui est un peu la plus, enfin soit c'est celle sur laquelle il y a plus de choses écrites, soit c'est celle qui était vraiment la plus engagée. Elle à l'époque a fréquenté déjà un dirigeant communiste et ça a vraiment fait ce truc que Trujillo là il s'est vengé de ce refus là sur le terrain politique. Du coup, il y a plusieurs des amis de Minerva Mirabal qui ont été arrêtés et questionnés sur les relations de Minerva avec les socialistes et les communistes locaux. Mais les trois sœurs, elles ont un lien avec le mouvement révolutionnaire dominicain. Et à la suite, évidemment, de tout ça, ça fait que ça resserre les liens, qu'elles se disent un peu plus « Ah bah oui, il serait bien temps qu'il se casse, ce monsieur ». Voilà, je suis pas conteuse née. Hein, Du coup, là, on est dans les années 50, c'est la guerre froide. Et il y a plusieurs dictatures d'Amérique latine qui sont renversées par des mouvements populaires communistes. Aussi parce que c'est des mouvements que l'URSS finance. Hein, faut pas non plus trop se leurrer sur les réalités de l'époque. C'est tout la grande guerre entre l'URSS et les États-Unis qui passe aussi par envoyer des sous à certains mouvements ailleurs dans le monde. Mais ce qui a permis à pas mal de gens de se débarrasser de leur dictateur local. Et là, il y a un peu une hécatombe à la fin des années 50. Là. Notamment, c'est en 1957, en Colombie, il y a du coup Gustavo Rojas Pinilla qui est renversé. Puis Marco Pérez Jiménez en 58 au Venezuela et Batista en 59 à Cuba qui a été donc remplacé par Fidel Castro. Du coup, ça stresse un peu le dictateur dominicain. Surtout qu'une fois que Cuba est, je sais pas si je peux dire, libéré par Fidel Castro, mais si à l'époque quand même, je pense que c'était plutôt cool, ça valait le coup, les gens le vivaient comme une libération. Plus tard, c'est devenu un peu plus compliqué, mais du coup, une fois que du coup Cuba est devenu communiste, il y a une expédition qui part de Cuba pour aller en République dominicaine pour essayer de renverser ce Trujillo. Du coup, le 14 juin 59, et il y a du coup toute une organisation caraïbéenne pour que ça existe. Là, une organisation vraiment communiste révolutionnaire caribéenne qui est du coup là en République dominicaine, il décide de s'appeler le mouvement du 14 juin. du nom de cette expédition. Bon, qui fonctionne pas, mais avant ils le savaient pas. Et ça, et en tout cas toute cette organisation là, c'est les réunions autour de cette organisation là. Il y a notamment, il y a que deux femmes qui sont présentes dans cette ces réunions intercaraïbes, et notamment Minerva Mirabal. Du coup, c'est quand même quelqu'un qui était vraiment très impliqué dans les luttes de l'époque. Voilà. Et aussi, effectivement, du coup, enfin, bref, les sœurs Mirabal, elles sont toutes plus ou moins impliquées là-dedans. La tension monte, hein, suite à l'échec de cette expédition. Et il y a une dénonciation, suite à des dénonciations, en tout cas, il y a une centaine de militants qui sont arrêtés en Dominique, dont Minerva. Et quelques mois plus tard, les femmes sont libérées, mais les hommes restent emprisonnés. Ce qui fait que dans les hommes qui restent emprisonnés, il y a le mari de Patria Mirabal et le mari de Minerva Mirabal. Du coup, tout au long là, de l'année 1960, les sœurs Mirabal, elles vont souvent de là où elles habitent au bled où il y a la prison, pour pouvoir visiter leur mari, leurs proches. Et c'est un moment aussi que les militaires de la dictature, c'est la mode de mettre en scène des accidents de la route qui sont en fait des assassinats politiques. Et là, les services de renseignement savent que les sœurs Mirabal font la route toutes les semaines, le même jour, pour aller visiter leur mari en prison. Et du coup, elles entendent un peu des rumeurs que quand même, elles pourraient avoir un accident de la route bientôt. Mais au moment où elles se disent « Ok, du coup, il faut qu'on déménage dans la ville, qu'on vive dans la ville où il y a la prison de nos proches, là », c'était déjà trop tard, c'était déjà prévu l'attentat. Et du coup, le 25 novembre 1960, sur la route pour aller s'installer à Puerto Pata, du coup, où était la prison de leur mari, leur voiture est d'abord coincée sur la route avec une petite rafale de balles, et ensuite on les emmène dans un petit chemin pour les assassiner à la machette avant de les remettre les cadavres dans la voiture qui est jetée dans un ravin. Ce qui, quand même, je crois que ça me va aussi de dire les détails de la violence de ce que c'est là, ces assassinats-là. Et du coup, cette histoire, moi je trouve notamment son début et sa fin là, c'est vraiment une histoire qui est teintée de la haine des femmes là, qui se soumettent pas à l'autorité et à l'ordre établi. Et on y retient aussi une histoire de lutte politique et révolutionnaire qui est peu racontée et peu connue. Et du coup, c'est pour ça que la date du 25 novembre, elle est choisie d'abord en 1980 les premières rencontres féministes des Caraïbes et d'Amérique latine, où du coup les féministes déjà posent le terme de féminicide et décident de la date du 25 novembre comme un jour de souvenir et de lutte contre les violences faites aux femmes. La date, elle est récupérée qu'en 99, c'est-à-dire quand même 18 ans plus tard, par l'ONU comme journée mondiale contre, là son titre officiel aujourd'hui, c'est pour l'élimination de la violence envers les femmes. Mais à la base, c'est les féministes caribéennes et d'Amérique latine qui ont décidé que ce soit une journée de lutte contre les violences sexistes. Et on les remercie. Voilà. Et par les temps qui courent, il serait bien cynique de réduire les sœurs Mirabal à des militantes pour la démocratie, à qui on a reproché d'avoir épousé des socialistes plutôt qu'un vilain dictateur. Et Minerva Mirabal en tête, c'est quand même une des rares femmes qui a été présente aussi dans un milieu révolutionnaire très masculin. Et son assassinat et celui de ses sœurs, c'est un vrai assassinat politique et c'est pas le règlement d'un drame personnel, quoi. Du coup, nous, on avait envie de raconter cette histoire pour que les sœurs Mirabal nous laissent un héritage à ne rien lâcher, à lier les réflexions féministes aux réflexions anticapitalistes, et que leur force soit avec nous. Et comme l'histoire, elle se poursuit, vous vous rappelez peut-être, ou en tout cas spéciale dédicace à celles qui se rappellent et qui ont fait la Corée l'année passée, il y a les Lastésistes du Chili qui, l'année dernière, ont sorti Un violador el tu camino, désolé pour l'accent, Un violeur sur ton chemin. Et c'était au début un morceau de musique et une choré de danse qu'elles ont fait comme une action. Ça a été repris dans plein de pays du monde, ça a été traduit dans plein de langues et décliné dans chacune des réalités locales. Et du coup, comme nous, on aime bien penser global et penser local, on va y revenir après. Mais en attendant, on passe un petit morceau de Lastésis. On a eu envie d'écouter un peu plus la musique, mais bon, on a quand même sur la radio. On est aussi là pour causer, quand même. Ouais, voilà. Je voulais seulement rebondir au texte qu'on a lu au début, parce que je trouve que ça marchait bien aussi avec le truc que Flo, elle a raconté de l'histoire, pourquoi le 25 novembre. Parce qu'en fait, le texte que je lis, c'est de, comme j'ai déjà dit, de Gwenola Ricordo, et le livre, ça s'appelle « Pour elle toute femme contre la prison ». Et en fait, elle est le professeur assistante en justice criminelle à la California State University. Et en fait, elle, clairement, et moi aussi, je me retrouve, ou nous, je dirais comme ça, retrouve là-dedans qu'en fait, si tu es féministe et dans une lutte féministe, que forcément, en fait, tu luttes aussi contre les prisons. Et peut-être, c'est, au début, quand on le dit comme ça, c'est un peu difficile à comprendre, mais comme, même si on voit, on va dire 80-90% des personnes incarcérées, c'est des hommes, mais en fait, c'est des circonstances énormes, des conséquences énormes sur les femmes qui allaient au parloir, qui ont des enfants, qui doivent gagner l'argent. Et ça veut dire que c'est forcément des femmes ou des personnes minorisées, en fait, qui ont des plus, des comment dire, des conséquences, non, en négatif, quoi, de la justice. Et pour ça, nous, on voulait bien rappeler aussi avec le texte avant que, comme féministes, on veut bien lutter ensemble aussi contre la prison. Ouais, et que ça fait partie des choses qui sont hyper importantes à rappeler, parce que c'est un peu comme si il y a eu tout un moment de récupération ou d'institutionnalisation d'un féminisme qui serait qu'une façon un peu visible, ou en tout cas celle qui va être la plus vue médiatiquement de faire du féminisme, ça va être de réclamer une augmentation de la répression. Et alors que nous, ce qui nous paraît hyper important, c'est comment tu fais un féminisme global et que tu te limites pas à un seul système, mais aussi que tu luttes contre, effectivement, contre toutes les prisons et contre les autres systèmes de domination, et que pour nous, ça marche ensemble. et que c'est pas en allant faire du lobbying auprès du ministère de la Justice ou auprès du ministère de l'Intérieur que tu vas libérer toutes les femmes et les personnes minorisées de genre, bien au contraire, quoi. Et aussi dans ce truc, dans la lutte féministe anticarcérale, mais aussi d'être solidaire avec d'autres luttes, par exemple des luttes aussi syndicales. Je ne sais pas si on est déjà prête ou pas, mais normalement on a... Oui, on est prête, on a notre correspondante syndicale au téléphone. Alors toi, tu vas nous dire... Allô, bonjour Agnès, est-ce que tu nous écoutes? Est-ce qu'on t'entend aussi en ligne? Non, on n'entend pas, on n'entend pas en ligne. Alors, pas tout à fait, mais ça va bientôt marcher. Ouais. C'est la convergence des luttes, c'est toujours un peu difficile, mais on est dessus. Parce que là, pour dire, on a invité au téléphone Agnès des femmes libres. Technique. De la CNT, le syndicat anarchiste. Oh, pas anarcho-syndicaliste. Anarcho-syndicaliste. Ben voilà, on... Et du coup, a priori, on a la camarade qui est en ligne et qui cherche à nous joindre. Elle est au téléphone. Après, c'est notre première fois avec l'insert téléphonique. Alors voilà, comme les premières fois, comme la plupart des premières fois, ça prend un peu de temps avant que ce soit bien. Hein? C'est pour nous, j'imagine, c'est plus drôle que pour vous parce que nous, on va les personnes à la technique qui essayent de régler le problème. Mais qui... bon, ça on va juste faire un test avec éteindre les micros de la régie et garder juste celui en technique, voir ce que ça donne. On se fait censurer en studio. Alors, ciao, on se retrouve. Bon, d'accord. Oui, je sais pas. Voilà. Ah. Oui. Est-ce qu'elle peut parler? Bah, du coup, on va repasser Tainted Love de Gloria Jones en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe et on vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, tu nous entends? Oui. Ah, nous aussi on t'entend. Nous aussi super. On t'entend. Waouh! Ça marche? Ouais, c'est hyper excitant. Ça marche, ça. Ouais, oui, ça marche tout à fait. Ça marche très bien. Est-ce que tu es en haut-parleur? Parce que si tu es en haut-parleur, il faut enlever le haut-parleur. Comme ça, non, on t'entend mieux. Non, je n'ai pas le haut-parleur. Ok, super. Moi, est-ce que c'est possible de monter un peu ta voix? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, c'est pas possible, je suis au max avec l'insert, donc je peux pas monter la voix. Ouais, il faut que tu parles bien fort. Faut que je parle fort. Ouais, voilà, oui, ça serait top. D'accord. Ok, bah je vais essayer de maintenir, tu me le rediras. Oui, merci. Mmh. Et du coup, tu nous appelles d'où, Agnès, là? Alors, bah, je suis chez moi. Non, je suis dans ma maison, confinée luxueusement, hein, au chaud, c'est pas le cas pour tout le monde. Bah en tout cas, merci ça marche, de... On est en ligne ? Oui, on est en ligne. Ah d'accord, bah bonjour. Merci de... Oui, on est complètement en ligne, là. Tout le monde peut t'entendre. Et merci de te rendre disponible pour cette petite interview. Mais par contre, je t'entends pas très très bien, mais bon, on va se débrouiller. Ah. Oui, alors, dis-moi. Alors, du coup, je voulais savoir si tu avais un peu envie de nous présenter et de nous parler de qu'est-ce que c'est les femmes libres dont tu fais partie, peut-être ? Oui, je suis à la création, on va dire, de ce groupe de femmes libres qui est né, qui est un groupe qui est au sein de la CNT, hein, du syndicat CNT, des syndicats CNT de la Loire, hein, qui sont à Saint-Étienne, à la Bourse du Travail. Et on a comment c'était ta question? Oui, comment c'est venu? En fait, en 2017, au sein de la CNT, il y a eu une grosse crise, hein, et un gros trouble, hein, puisqu'il y a eu, en direct, on a été face à une violence patriarcale au sein du syndicat. Hein, du coup, c'était donc un viol, hein, par un adhérent de la CNT qui a été mis au grand jour. Donc, c'était plus possible de dire « pas chez nous, on est un syndicat antisexiste, etc. » Là, on était devant le fait accompli. Donc, dans un premier temps, on s'est réunis au sein de nos syndicats de la CNT pour échanger autour de tout ça. Tout de suite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils pour traiter ces questions-là, quelque chose de simple, en tout cas des choses... qui prennent en compte la violence patriarcale et qui la traitent au mieux. Oui. Cette question grave ici. Mais du coup, on s'est tout de suite penché là-dessus au sein de la CNT, d'abord dans un premier temps avec tous les syndicats, hein, c'est-à-dire en mixité, avec tout le monde. Ça a été intéressant d'ailleurs, riche en échanges, même en découvertes des uns des autres, avec les différences, les conflits. Et on a établi un protocole pour traiter ces questions-là. Et c'est suite à ça qu'au niveau des femmes, ça s'est fait un peu, comment on s'est retrouvés entre femmes, et on a eu ce besoin, ce désir de créer un groupe au sein de la CNT, mais en non-mixité. Donc, on a commencé par des réunions pour, donc toutes les adhérentes de la CNT peuvent venir au groupe Femmes Libres. Alors aujourd'hui, on a mis un petit peu, quand quelqu'un de nouveau vient dans le groupe, pour pas qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe, si on a une journée de travail, on l'accueille à 14h. Et du coup, donc, ce groupe qui est naissant, en fait, hein, puisqu'on a, une réunion par mois, oui. Hein, on se retrouve pour... c'était quand j'avais sorti notre petite, parce qu'on a tout de suite dans le groupe, on a tout de suite fait une petite plaquette, hein, pour dire qui on était aussi pour nous-mêmes aussi, pour bien voir ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et du coup, on s'est mis en place en février 2018. Je pensais pas que c'était... On a créé donc ça, cet outil. Hein. Oui. Pour nous, c'était un outil de lutte, hein, contre les violences patriarcales, bien sûr sur le lieu de travail, puisque c'était notre pratique syndicale, mais dans les pratiques syndicales aussi, hein, puisque du coup, on a amené aussi de la réflexion au sein des syndicats et puis de la Confédération nationale. Donc là, c'est un gros boulot. Un outil aussi pour les violences, lutter contre les violences patriarcales au sein de l'espace privé, de partout, en fait. Et bon, voilà, donc déjà, on a potassé beaucoup pour faire cette plaquette, pour se présenter, pour... j'ai beaucoup de temps ou pas trop? Vous êtes déjà en retard, hein. Je l'ai compris. Du coup, il faut que je fasse court. On utilise donc, on a donc notre plaquette qu'on diffuse. On utilise aussi nos moyens de diffusion au sein de la CNT, parce qu'on a toujours ce, de, voilà, de lutter au sein de notre syndicat pour amener de la réflexion. Et on a toujours ça, ça en tête. Hein. En plus, on a un congrès prochainement, donc on a fait des motions, on a fait plein de choses autour de ça. Et du coup, on écrit des, on a un journal, la CLT, on écrit des articles dans le combat syndicaliste, mais aussi dans d'autres, dans d'autres, d'autres rubriques. On a sur le site internet de la CNT aussi pour faire partager toutes nos réflexions et nos actions au sein de la CNT et au sein de qui sont à l'initiative des femmes libres, hein, puisque dans nos, là on intervient dans les actions locales de, sur Saint-Étienne jusqu'à présent, mais bon, en nous joignant à, au collectif existant, hein, notamment les Sampian. Et puis, pour des actions, je me souviens, on avait regroupé nos forces auprès, quand il y avait une action auprès d'Yves Rocher, par exemple. Et puis après, on est partant dans les manifs, etc. Mais notre projet qui nous tient le plus à cœur, hein, en tout cas pour moi, c'est de créer un espace au sein de notre syndicat pour recevoir un espace d'écoute. En non-mixité. Donc, on a un numéro de téléphone, je ne sais pas si je le donne maintenant. Bah, tu peux le donner maintenant et tu peux le redonner plus tard. Pour nous contacter, hein, puisque c'est un spectacle donc, d'écoute, d'information et puis d'orientation, sachant qu'on travaille avec d'autres collectifs, d'autres structures qui accompagnent les femmes qui subissent des violences patriarcales et puis d'accompagnement. C'est important parce que moi, je sais que je disais, faut pas qu'on. Il y a déjà beaucoup. Il y a en tout, et en fait, quand on a rencontré autant à SOS Conjugal que au planning, on nous dit mais plus on est, plus voilà, avec notre diversité, le fait que qu'on soit anarcho-syndicaliste avec des valeurs libertaires, ça amènera aussi d'autres personnes. C'est vraiment un espace qui a toute sa place. Du coup, voilà, nous notre notre objectif, écoute, information, orientation et accompagnement. Mais c'est super. Du coup, tu peux nous donner le numéro, alors, s'il te plaît. Voilà, pour nous contacter, donc c'est un répondeur, hein, mais qui est en comment les magies de l'informatique, qui est en lien avec nos boîtes mail, donc on peut appeler. On a tout le message. Donc au 06 21 70 60 67. 06 21 70 60 67. Donc voilà, généralement très. Alors bon, avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué, hein, tout le monde s'en doute, mais on se débrouille même pour se voir parfois. C'est arrivé chez nous. Voilà, et que nos valeurs communes, en fait, dans ce groupe qu'on a mis en évidence, hein, c'est de toute façon d'entendre. Hein, d'écouter, c'est déjà une chose, hein, d'entendre ces paroles souvent tellement difficiles à dire, à croire les femmes victimes de violences sexistes et patriarcales, parce que souvent on met en doute, et notamment nous on s'en est bien rendu compte au niveau d'un syndicat anticapitaliste, antisexiste, où quand une femme se vient au syndicat pour... Alors, c'est pas à Saint-Étienne, hein, cet exemple, mais vient au syndicat pour un problème avec son patron, elle n'a jamais de problème pour tout de suite, on la croit. Alors qu'une femme qui a des problèmes plus de harcèlement, hein, tout de suite, sa parole est mise en doute. Et donc, c'est une évidence qu'il y a un boulot à faire important au niveau syndical. Et du coup, voilà où j'en étais. donc ben, croire. Merci voilà, beaucoup, en tout cas, Agnès, de nous avoir bien expliqué comme ça comment vous fonctionnez avec les femmes libres. Oui. Et je ne sais pas si tu peux nous entendre, parce que ici, on a une spéciale invitée ce soir, c'est Flo. Et oui, tu m'avais dit peut-être que tu pourrais parler des formations, j'y pensais plus. Oui, c'est ça. Effectivement, on a fait une super formation, mais bon, elle en parlera plus elle-même, bien sûr. On a fait une formation avec le planning familial, donc avec Flo, qui nous a... Ah ouais, c'est une formation vraiment intéressante, parce qu'hélas, on a squeezé parce que... avec le Covid, on n'a pas pu la terminer, on l'a fini un peu en coup de poisson, mais bon, moi, on est vraiment prête à la repotasser, à la remettre, qui nous a permis vraiment, c'était très, très évolutif, cette formation. On a commencé par constituer le groupe, voir vraiment nos valeurs dans le groupe, identifier nos limites. Après, il y a eu plein de choses par rapport à l'écoute, hein, spécifique aussi pour... Et pour nous, hein, de recevoir des gens qui ne nous ressemblent pas, hein, qui n'ont ça, c'est et puis voilà, de pouvoir vraiment avec même des techniques très précises pour qu'on a expérimenté en jeu de rôle, sans compter que ça nous a fait aussi nous découvrir nous, notre groupe, hein, tout ce travail, puisqu'on a été par moments dans des choses plus intimes, etc. Donc ça a été très riche. Après, il y a eu de la formation plus santé, des définitions sur les violences. On s'est dit aussi, il y a Flo, après, qu'on va la poser quelques questions, qu'elle parle un peu de cette formation. Mais je voulais te demander, est-ce que tu as envie de rajouter encore un truc aussi pour le 25 novembre, qu'est-ce que ça t'évoque bon, personnellement, mais aussi comme quand tu es dans les femmes libres, tu as envie de, bah oui, de dire un truc là-dessus. Bah le 25 novembre, généralement, on a toujours une action, hein, par rapport aux violences patriarcales, aux violences faites aux femmes. Et voilà, cette année, moi, je suis un peu plus coincée. Et puis, on n'a pas pu faire des choses dans la rue et collectives. Hein. Mais bon, voilà, pour moi, c'est un moment... j'habite la campagne et je vais essayer par mon cri de rejoindre le cri de toutes les femmes. Voilà. Et puis, tu es avec nous pour l'émission de radio. Voilà, donc ouais, il y a l'émission de radio, mais voilà. Voilà, donc c'est un peu frustrant, mais voilà, on s'est fait des petits coucous avec les copines aussi. Du coup, est-ce que ça va si on se dit au revoir comme ça? Et on discute un peu avec Flo, et puis on va se voir très bientôt. Ouais. Ouais, moi je veux bien que tu... Est-ce que ça te va de redonner une dernière fois le numéro de téléphone? Est-ce que je connais quoi? Du coup, c'était te dire... est-ce que on va redonner le numéro de téléphone? Ah oui, le téléphone. Oui. Ouais. Faut que je te le redise? Ouais, vas-y. Ah oui. Alors, 06 21... 70, 60, 67. Et on a aussi, pour si c'est plus facile pour certaines, un mail. Donc CNT, alors je sais pas comment il s'appelle, le tiret mais qui est bas, c'est le 9. Le 8. Ah, le 8, tiret du 8, femme libre au pluriel qui se tient, tiret du 8, 42@riseup.net. Super. Ben merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci Agnès. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Alors Flo, c'est à toi. On va te poser des questions. En tout cas, je me dis que cette formation a bien fonctionné. Agnès vous a bien ce rappel de tout de A à Z, de plein de trucs. Je suis contente de voir que ça m'a marqué en tout cas là. Et du coup, oui, c'est moi qui ai animé cette formation à la demande de femmes libres. Que je travaillais au planning familial à l'époque. Elles sont venues me chercher avec un besoin de formation pour pouvoir justement tenir cette permanence qui là se transforme en répondeur à cause du Covid. Mais voilà, qui voulait faire une permanence d'accueil et d'écoute de femmes victimes de violences. Et en tout cas... peut-être on s'était dit que ce qui était intéressant de transmettre, c'était vraiment de que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et surtout à voir ce truc-là de d'une évolution de la posture d'accompagnement. Que souvent on part du principe que, enfin, quand quelqu'un vient qui est en situation de détresse, et notamment, d'autant plus si c'est une femme victime de violences conjugales, ce qu'on va vouloir avoir envie de faire, c'est de donner des informations ou de donner beaucoup de conseils. Et que là, le but, c'était un peu de décaler cette posture-là vers quelque chose plus d'une posture d'écoute et d'arriver à identifier avec la personne c'est quoi ses ressources, c'est quoi ses besoins. Et aussi de pas chercher une solution qui serait un peu immédiate, mais de se dire ok, c'est dans un temps long et en fait le taf c'est pas tant moi qui le fais que j'accompagne une personne à le faire par elle-même là. Du coup voilà, c'était un peu ça le but, l'objectif de cette formation. Je suis ravie d'entendre en tout cas que ça a marché et que voilà, c'est que c'est comme ça que Agnès en parle aujourd'hui. Merci à toi Flo de nous avoir un peu raconté ça, et maintenant on va écouter un morceau de musique, Anna Thirou, Antipatriarca. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Mais vous êtes toujours sur Comme un ouragan. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelle heure il est, ouais, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Il est 22h07. C'est 22h07. Hein? Ah non, mais là c'est un petit peu. Ouais, c'était pas mal ce petit teaser musical. C'est pour l'heure. Mais c'est pour que les gens ils restent bien concentrés parce qu'on sait que tout le monde avait écouté Beyoncé. Je crois que c'était Beyoncé à l'eau. Bon, on sait pas, mais. Attends, blind test, toi tu. Ouais, non, bon, désolé. On sait pas. On va rester en ligne pour savoir. Moi je vais rester en ligne pour savoir. Qu'est-ce que c'était cette chanson? Alors, si vous nous rejoignez juste maintenant sur Comme un ouragan, bon, il s'est passé beaucoup de choses, je ne pourrais pas tout vous raconter. Mais il y a une chose à retenir, c'est que nous sommes contre les violences sexistes et patriarcales, ce qui ne veut pas dire demander plus de flics et demander toujours plus de lois sécuritaires. Non, ce n'est pas ça l'idée. En fait, on voulait parler d'un dernier aspect qui nous semblait vraiment important dans cette journée du 25 novembre et du 20 novembre. Qu'est-ce que ça veut dire des commémorations des gens minorisés ? Ça veut dire qu'on trouve important de partager ces traumatismes. L'idée, c'est pas tellement de pleurer ensemble, bien que parfois pleurer ensemble, ça fait du bien. Mais c'est aussi l'idée de créer des contre-histoires. Ça veut dire donner la place à des sentiments douloureux, c'est quand même donner la place à des sentiments et ça nous semble meilleur que de pas donner du tout de place aux sentiments. Et moi j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, comme souvent finalement, mais je pense sur... Là moi j'avais envie de prendre un petit temps pour parler... d'inceste, parce que dans les violences patriarcales, je pense un des ciments ou un des trucs qui tient bien en place et qui t'englue bien dans le système et qui maintient les choses en place, c'est quand même les violences sexuelles à l'intérieur des familles et notamment sur les mômes. Et tout ça, c'est rendu possible parce qu'il y a un patriarcat très puissant qui fait que ces violences-là peuvent exister et que surtout après, elles sont... complètement invisibilisé et que ça fait partie des tabous les plus... Enfin, que moi, j'ai l'impression que c'est un des tabous les plus costauds là, qui cimente la société patriarcale, de savoir que c'est une des violences fondamentales, dans le sens que c'est une violence extrêmement courante, complètement banalisée, et en même temps que c'est une des violences qui est représentée comme... la pire horreur absolue dont tu ne pourras jamais t'en sortir, alors qu'elle est complètement banale et qu'elle fait partie de l'histoire de plein de personnes. Et que du coup, il y a un peu toujours ce mouvement-là là, dans l'inceste, et que je trouve qui fait partie de ce qui tient aussi plein de systèmes de domination très forts, d'être pris dans des enjeux contradictoires, de à la fois être... de subir des violences très fortes et à la fois d'avoir un truc de... C'est le lot de tout le monde, du coup c'est ton lot, du coup faut que tu fasses avec. Et puis de fait, énormément de personnes font avec, parce que c'est le lot de plein de gens. Et en même temps, il est hors de question que tu puisses penser que tu puisses t'en sortir, parce que ça doit rester une violence monstrueuse qui ne peut pas être dite. Je sais pas si je... Ouais, si j'ai l'impression que t'es claire, en fait. Est-ce que tu veux dire, en quelque sorte, que une bonne manière d'être victime, ça serait de garder le silence ? Ouais. En tout cas, je sais pas. Je sais pas si c'est une... Bah, en tout cas, il y a que j'ai l'impression que de toute façon, ça c'est le lot de toutes les violences que tu subis dans n'importe quel système de domination, c'est que ça va avec l'idée que t'es pas censé pouvoir dénoncer l'agression que tu subis, parce que y a des enjeux de pouvoir qui font que si tu ouvres ta gueule, tu peux avoir de la répression directe ou que ça soit immédiatement visible ce que tu vas te prendre ou pas. Et après, moi j'ai l'impression que plutôt dans ce que tu poses comme question, il y a la question de c'est quoi être une bonne victime. Et ça, c'est peut-être un peu l'autre bout que j'avais un peu envie de causer aussi là autour de l'inceste. C'est que c'est vraiment dur d'arriver à produire... Enfin, quand tu disais là en intro que c'est important les... histoires individuelles et comment t'arrives à faire de la résonance collective. et que j'ai l'impression que c'est des choses qui nous traversent beaucoup dans le féminisme, de se dire ce que t'as vécu individuellement, au bout d'un moment tu t'aperçois que c'est pas toi qui es pété dans ta tête, mais que c'est des histoires qui se répètent, et comment est-ce que tu viens en fabriquer de la force, quand bien même on n'a pas toutes les mêmes histoires, parce qu'on vient, on n'est pas toutes confrontées exactement aux mêmes violences ni aux mêmes événements de vie. Mais en tout cas, l'idée, c'est de mettre ça au travail ensemble et d'en retirer de la force, parce que justement se sortir de l'idée que c'est toi le problème. Mais moi, je trouve qu'avec l'inceste, il y a quelque chose que... Il y a toujours... Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas d'espace, par exemple, pour me donner de la force avec ça. Enfin, très peu. Que ça reste un endroit qui est très, très peu parlé, même à l'intérieur du féminisme. Que des espaces où on peut se donner de la force et de la fierté, à partir de ces expériences-là, ils restent extrêmement pauvres et on reste extrêmement démunis. Et que moi, je pense que ça fait partie des grandes colères que j'ai dans la vie, et notamment que ça a été une grande colère que j'ai eue contre le féminisme aussi, là, d'avoir l'impression d'arriver dans un endroit où ça serait plus possible de causer, et qu'en fait, ça reste toujours très compliqué d'aborder cette question-là et de se visibiliser en tant que personne qui a subi, enfin, qui a été victime d'inceste. Et aussi que, du coup, aussi pourquoi j'avais envie d'en parler ce soir, c'était aussi pour rendre un gros big up et merci à des copines qui ont organisé une journée il n'y a pas longtemps, le mois dernier, à Grenoble. Il y avait une journée collective entre en non-mixité, personnes ayant vécu violences sexuelles intrafamiliales. Et que moi, c'était la première fois, par exemple, que je pouvais aller dans un espace public, croiser un peu d'autres gens, essayer de faire de la résonance de vécu. C'était compliqué. En vrai, c'était super. C'était aussi compliqué de ce que ça brassait. Mais voilà, et que je sais que ce soir, elles se réunissent pour un deuxième temps, et que j'avais envie de leur faire coucou et leur dire que je trouve que ça fait partie des trucs super courageux à faire et tout ça. Et puis que ça... j'avais aussi envie de dire que s'il y a des gens qui écoutent cette émission ce soir et qui savent pas trop où foutre ces histoires-là, bah, je leur souhaite plein de courage et d'amour, et de que j'espère qu'il y aura des endroits où ça sera possible d'en parler, et aussi d'inviter les gens à essayer de péter coûte que coûte le tabou autour de ça, en arrivant à en parler de façon un peu simple. Et ce que je veux bien rajouter sur, sur qu'est-ce que ça veut dire en parler de façon un peu simple, c'est encore une fois sur cette histoire de c'est quoi être une bonne victime, c'est que je trouve aussi que vu qu'on a très peu de place pour produire notre propre histoire collective autour de ça, dans ce cas-là forcément très multiple et différent, parce que chacune on traverse ça différemment et on se construit différemment autour de ça, c'est que maintenant je trouve qu'il y a de plus en plus de discours très totalisants. Alors c'est un grand mot, mais si j'essaye de l'expliquer, ça, c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus de discours, quelque part, qui s'approprient les récits de viols et d'encore plus de violences sexuelles à l'intérieur des familles, enfin de l'inceste, pour en faire des récits linéaires, des récits un peu en bloc comme ça, qui diraient « si t'as vécu ça, ta trajectoire de vie, elle va être un petit peu toute tracée derrière, et tu pourras jamais t'en remettre ». Et ce qui est un peu ce que je trouve dangereux dans ce discours-là, c'est que souvent des personnes qui se positionnent comme des personnes qui vont te sauver, qui tiennent ce discours-là, en disant « moi je vais te reconnaître dans l'extrême gravité et l'extrême souffrance que ce que ça a été pour toi », et c'est une réalité. Enfin, moi c'est vraiment des choses dont j'ai eu besoin à des moments donnés, de reconnaissance que vraiment c'était vraiment dégueu et très injuste et tout ça. Mais je pense comme n'importe qui vit des violences, en fait, quelle qu'elle soit, qu'elle soit patriarcale ou autre, il y a besoin de ce temps de reconnaissance. Et puis des fois, t'es vraiment chien de cette reconnaissance. Et du coup, quand on te l'offre en disant c'est très grave et t'as le droit d'avoir beaucoup, beaucoup envie d'être soigné et d'être beaucoup, beaucoup réparé. Sauf que c'est les personnes qui vont tenir ce discours-là, elles se positionnent comme sauveuses, et notamment ça peut être des personnes qui sont en position d'autorité, parce que c'est des psychiatres, parce que c'est des personnes qui sont assez haut placées dans des systèmes d'institutions, qui vont avoir accès aux grands discours médiatiques, et que ces personnes, sous couvert du coup de « on va te sauver », en fait, elles viennent te refabriquer un discours très linéaire sur ta trajectoire de vie, et du coup, toi, t'es... Quand t'as vécu ça et que bah t'es un peu rageuse, t'es un peu en colère, t'es un peu pété sur des bouts, mais t'as aussi plein de beauté dans comment t'essayes de fabriquer, et puis que t'as aussi plein de façon de lutter et puis que ta vie elle est pas normale sur plein de bouts, parce que par exemple t'es gouine, ou parce que par exemple il y a plein de façons de faire dans ta sexualité qui rentrent pas dans des cases, ou que t'as des addictions ou plein de choses en fait qui vont pas être décrites comme normales. Et bah c'est des personnes qui vont te renvoyer que tu restes anormal et qu'il faut te renormaliser. Je sais pas si... Oui, c'était... moi je trouve que c'était bien que ce que tu as dit. Je voulais seulement, ou pas rajouter, ne pas rajouter, mais comme je l'ai compris, ou pour moi comme je le comprends, que je trouve aussi difficile ce discours de, quand tu dis la linéaire, parce que ça veut dire que tu restes toujours dans une rôle de victime. C'est que tu peux pas, comme si toute ta vie tu restes victime et il n'y a pas... ouais, en fait c'est comme ça, et aussi de voir en fait c'est pas seulement ça, ou même si tu étais des victimes que tu fais d'autres choses avec, et en fait pas que tu restes parce que c'est aussi une rôle que tu as envie de dépasser, quoi, je sais pas comment dire. Mais après c'est aussi moi je trouve ça va avec un truc de, on a besoin de victimes pour qu'il y ait besoin de gens qui les sauvent, et que pour moi c'est ça quand on dit raconter des contre-histoires, là, c'est aussi faire du rituel, remettre du collectif. C'est aussi un truc de dire, en fait, on peut être à la fois... Enfin, que y a pas juste des victimes et des féministes ou des psys qui viennent les sauver. C'est que c'est quelque chose... on vit des choses ensemble et on construit aussi des solutions ensemble et on est... Et moi, je vois que ce soit dans une pratique militante, dans mes relations personnelles ou au travail, où il y a un truc de laisser la place là, à des parcours qui ne sont pas dans ces lignes-là, qui ne sont pas typique. Ça, si tu fais ça, c'est parce que tu es traumatisé de ton viol d'il y a 4 ans. C'est pour ça que tu bois trop de bière. Bon, peut-être tu bois trop de bière parce que bon... tout le monde te fait chier et qu'il y a une pandémie mondiale, enfin, et puis t'es pas obligé de choisir en fait. Moi ce que je trouve vachement important, c'est moi ça me touche vachement à ce que tu dis sur et ce qui est bien, c'est de faire ensemble en fait, et c'est que quand t'as des personnes qui se mettent au-dessus de toi parce qu'elles auraient compris là comment ça marche et c'est quoi les bonnes façons de faire, mais que leur bonne façon de faire de fait elle est excluante parce que c'est pro-psychiatrisation, pro-justice, pro plus de prison par exemple, de fait c'est certainement pas faire ensemble, et c'est pas se mettre ensemble dans cette même merde là. Et aussi je voulais bien redire sur ce truc de sortir du rôle de victime, c'est qu'en tout cas moi je veux bien dire qu'il y a des bouts dans la vie que de toute façon des fois la tristesse et les bouts pétés que t'as à l'intérieur, pour moi ils s'arrêtent jamais, mais que je suis d'accord que par contre se dire que il y a des temps pour tout dans la vie, il y a vraiment des temps pour tout, et des fois on a besoin de s'écouter soi et de se réparer soi, et puis des fois on a besoin de fermer sa gueule pour écouter les autres aussi, et que ça pareil c'est des temps qui doivent se faire ensemble, et que je trouve ça c'est des apprentissages super super importants. T'avais envie d'écouter un morceau de musique ? Ah bah oui, c'est vrai. Qu'on devait faire une transition musicale qui marche pour que ça arrive petit à petit avant qu'il y ait un blanc et tout ça. Ouais, du coup, j'ai carrément envie d'écouter un morceau de musique que j'aime bien parce que je sais pas exactement ce que ça raconte, mais j'ai l'impression que ça dit « je sens ton halo » et moi j'aime bien parce que c'est un truc que je l'imagine un peu perché sur... comment on pourrait se percevoir des fois sans passer par trop de prismes compliqués, juste sentir comment on est et qu'on essaie de faire gaffe les unes aux autres là, et j'aime bien. Every rule I had you breaking, it's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. aller en rythme maintenant. Ah non. On peut essayer de garder le rythme. Alors, moi, je voulais encore ajouter une autre information dont on n'a pas parlé. Peut-être à l'occasion, on fera une émission là-dessus. C'est plus ou moins prévu. C'est l'autodéfense féministe. Ça veut dire qu'on peut avoir envie de se rassembler ensemble, de prendre de la force physique ou dans la discussion verbale. Enfin, l'autodéfense féministe, c'est très varié, beaucoup de pratiques. Et on a la chance à Saint-Étienne d'avoir un groupe qui se retrouve tous les jeudis à 17h30 jusqu'à 19h. Donc pour l'instant, avec l'épidémie, tout est un peu particulier. Mais on a laissé un contact sur le site de la Gueule Noire. Du coup, si vous voulez nous contacter par téléphone, c'est possible. Vous trouverez le numéro sur le site de la Gueule Noire dans la rubrique « Autodéfense féministe ». Et c'est aussi là qu'on annoncera quand les entraînements pourront reprendre régulièrement. Yes. Et non, j'ai oublié, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, c'était un peu, on a envie de parler de ces trucs, pourquoi avoir des rituels, par exemple, comme aujourd'hui, on a pris cette date de 24 novembre, qui est presque le 25 novembre. On a triché un peu, mais bon. Que pourquoi aussi comme ça les rituels, c'est important de prendre la force, parler ensemble et aussi des luttes différentes qu'on a envie de porter dans un féminisme et aussi encore on a dit anticarcéral. J'ai encore envie de faire la pub pour ce livre parce qu'elle est vachement bien. Alors j'ai envie de le redire le titre, c'est Gwenola Ricordo pour elle toute. Femmes contre la prison. Et en plus, il n'existe pas beaucoup de livres qui parlent de ça. Je crois, en fait, aucun en français. Voilà, je vous conseille de le lire. Il est vraiment, vraiment bien. Eh ben, parce que moi, je trouve, pour répondre à pourquoi conclure sur cette question des rituels collectifs et pourquoi pas s'associer, enfin, pourquoi est-ce qu'on avait envie de s'associer au 25 novembre, là, c'est. Parce qu'on a envie de faire. Parce que je pense qu'on a envie de faire tout ensemble, ou qu'en tout cas, les choses marchent ensemble. Que je pense qu'il y a des moments pour. Enfin, que pour à la fois avoir de la force collectivement, il faut aussi avoir. Des moments de collectif où on partage la tristesse et la dureté des choses, parce que c'est aussi comme ça qu'on vient pas s'amputer d'un petit bout en se racontant un beau roman politique où on serait que des super warriors, mais qu'il y a aussi ces temps-là, et moi que je trouve que c'est des moments importants, et que c'est aussi ça qui vient nous construire, et que c'est aussi des moments où on fabrique différemment, où on invente différemment les choses, et que moi je trouve que c'est vachement bien qu'ils existent. Moi, ouais, peut-être là, ça me fait un truc de me dire. C'est un peu comme le 31 décembre où tu dis, bon, alors qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Et que là, ça fait un truc de me dire, alors, où j'en suis, moi, avec ces trucs-là, là, de violence ou des trucs que j'ai vécu, et que du coup, de faire le point et aussi de voir le chemin parcouru en positif et de se dire, ah ouais, ça va. J'ai réussi à surmonter le truc, à passer, à me. À ce que ça me touche moins ou plus. Et voilà. Et du coup, ça me fait aussi penser aux copines qui sont sorties de situations de merde et qui, j'espère, peuvent se dire aujourd'hui ou demain, « Hey, je l'ai fait !» Parce qu'on est très fiers de vous. Et moi, j'avais envie de faire un petit clin d'œil parce que ça va pas tomber pile notre prochaine émission et du coup, on n'en parlera pas, mais je l'ai en tête. Et il y a un projet qui existe que je trouve trop bien, qui est le patchwork des noms et qui va avec ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est-à-dire comment faire collectif sans écraser les histoires de tout le monde. Et c'est un projet de plein de morceaux de tissu qui symbolisent des victimes qui sont mortes du sida. Et bientôt va arriver le 1er décembre. Et ça, c'est aussi un moment de commémoration. Du coup, on n'aura pas une émission de radio spéciale là-dessus. Mais j'ai une petite pensée, parce que c'est la semaine prochaine. Et je pense que c'est important de garder des rituels comme ça tout le temps de commémoration. Ça fait du bien. Ouais, ça faisait du bien. Et alors, pour la fin, on va écouter une petite dernière chanson, non ? Il y a de... Oh oui. Dresden Dolls Sexchange. Très belle chanson. Ah Mr. and Mrs. Sender. We're pleased to inform you that your application's been accepted starting from the time you get this letter. Your life will be one never-ending hope, you're feeling better. You get your choice of anesthetics.